La poésie philosophique et religieuse chez les Persans d'après le Mantique Utaïr, ou le langage des oiseaux de Fariduddin Attar, par Monsieur Joseph Héliodore Garcin de Tassy, édition du Prat, 1864, markemdanarchive.org 2021, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. L'énigme de la nature a été diversement expliquée par la philosophie. Il s'est élevé en différents lieux et en différents siècles de grands génies auxquels la foule a été docile, et qui ont fait adopter par des millions d'adeptes leurs suppositions réduites en système. Toutefois, il manquait à ce profond mystère une explication authentique, qui pût satisfaire à la fois l'esprit et le cœur. Cette explication, que la science humaine avait en vain cherchée, nous la devons à la révélation déposée dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle nous a fait connaître les deux points culminants du mystère Dieu et l'homme. C'est sur ce dualisme abstrait que se sont exercés depuis longtemps nombre d'écrivains distingués, juifs, chrétiens et musulmans, et ces derniers peuvent même être simplement classés parmi les hérétiques chrétiens. Mahomet fit reculer le christianisme jusqu'à une espèce de judaïsme, il admet cependant non seulement l'Ancien mais le Nouveau Testament comme base de ses doctrines, et il reconnaît la mission de Moïse et celle de Jésus, le Messie promis. Ainsi l'islamisme n'est en effet qu'une grande aberration chrétienne. Avec les Sociniens, les musulmans rejettent la divinité du Sauveur, et, par conséquent, la rédemption, avec les unitaires, ils nient la Trinité, et enfin, comme les Quakers, ils ne sont pas baptisés. Les musulmans ont surtout déployé, pour développer le mystère de la nature, une subtilité remarquable. Ils ont entrepris une tâche difficile, l'alliance de la philosophie et de la révélation. Placé entre le panthéisme des yogis indiens et le Coran, qui est quelquefois une informe copie de la Bible, les philosophes musulmans nommés soufis ont établi une école panthéiste appropriée aux idées musulmanes. Une sorte de doctrine ésotérique de l'islamisme, qu'on doit distinguer du panthéisme indien, bien qu'elle n'offre en réalité que les erreurs du Vedanta et du Sankhya. Or, le panthéisme, comme doctrine morale, conduit aux mêmes conclusions que le matérialisme, négation de la liberté humaine, indifférence des actions, légitimité des jouissances temporelles. Dans ce système tout est Dieu, excepté Dieu lui-même, puisqu'il cesse par là même de l'être. Le spiritualisme des soufis, quoiqu'il soit le contraire du matérialisme, lui est en réalité identique. Mais si leur doctrine n'est pas plus raisonnable, elle est du moins plus élevée et plus poétique. Un voyageur anglais, Burton, l'a parfaitement décrite en peu de mots. La religion de la beauté, dont le principe directeur est celui de l'amour terrestre, type imparfait de l'amour céleste. Ces grands prêtres sont des poètes anacréontiques, ces rites sont le vin, la musique et la danse, considérés comme spirituels, et ces lieux de culte sont des prés et des jardins où le parfum de la rosée et le chant du rossignol, en charmant le cœur, sont censés améliorer l'esprit de celui qui les écoute. Le poète hindoustani Yakin dit à ce sujet, « Aux scrupuleux dévots, ne crois pas que pour fréquenter la taverne on soit dépourvu de foi. Là, le vin, c'est la révélation, la coupe, le prophète qui l'annonce, et les chansons, c'est Dieu. » Selon les soufis afghans, le vin signifie la direction, le sommeil, La méditation sur les perfections divines, le parfum, l'espoir de la faveur divine, le zéphyr, les explosions de la grâce, les baisers, les transports de la piété. Les idolâtres, les infidèles, les libertins ne sont autres que ceux qui sont en possession de la vraie foi, leur idole, c'est le Créateur, la taverne, c'est le temple de l'amour divin, le tavernier, le guide spirituel, la beauté, c'est la perfection de la divinité, les boucles et les tresses de cheveux, c'est l'immensité de sa gloire, les lèvres, les mystères inscrutables de son essence, le duvet des joues, le monde des esprits qui environnent son trône, les félides, l'unité divine, la gaieté folle, l'enthousiasme religieux. Il y a eu des écrivains soufis qui ont employé leurs efforts à faire concorder un à un avec les dogmes mahométans leurs propres principes, de manière à en établir l'orthodoxie. Tous admettent une double doctrine, l'exotérique ou extérieur, zahr, et l'ésotérique ou intérieur, batn. Il règne au surplus chez les musulmans, dit Derbelot dans sa bibliothèque orientale, au Mojamaat, une grande liberté d'opinion. Le plus grand nombre de leurs écrivains religieux appartiennent à la secte philosophique des soufis, ce qui a propagé parmi eux la doctrine du libre examen. Les docteurs les plus orthodoxes de l'islamisme semblent l'approuver, et on cite complaisamment cette sentence du célèbre Ibn Masud. L'Église ne consiste pas dans la quantité des personnes. Celui qui possède la vérité de son côté est l'Église, fût-il seul. Dans l'Inde, le soufisme d'une part et le védantisme de l'autre ont eu pour résultat de rapprocher les éléments opposés de l'islamisme et de l'hindouisme, ce qui s'est traduit dans la pratique par de nombreuses sectes mixtes, telles par exemple que celle des Kabir Pantis et des Sikhs. La théosophie ou la doctrine des soufis est ancienne dans l'islamisme, et elle y est très répandue, surtout chez les partisans d'Ali. De là la croyance de ces derniers à l'infusion de la divinité dans Ali et dans les imams, et leur explication allégorique de tous les préceptes religieux et cérémoniels. Toutefois, celui qui porta le premier le titre de soufi, ce fut Abu Hashim de Kufa, qui vivait dans la dernière moitié du 8e siècle. Le célèbre soufi Bayazi Bistami a dit, « La semence de la théosophie a été mise en terre du temps d'Adam, elle a poussé sous Noé, elle a fleuri sous Abraham, et du temps de Moïse les raisins ont commencé à se développer. Ils sont parvenus à leur maturité au temps du Christ, et au temps de Mahomet on en a fait du vin pur. Ceux qui parmi ces sectateurs ont aimé ce vin, en ont bu au point de perdre la conscience d'eux-mêmes et de s'écrier, « Louange à moi, y a-t-il un être plus grand que moi ?» Ou bien, « Je suis la vérité, Hak, c'est-à-dire Dieu. Il n'y a de Dieu que moi. » Il est bon de rappeler que « soufi » ne vient pas du mot grec « sophos »,« sage », comme on serait tenté de le croire, mais du mot arabe « suf », laine, et qu'il signifie « vêtu de laine ». Une robe de laine est en effet le costume ordinaire des derviches ou fakirs, tous contemplatifs et spiritualistes. On nomme aussi les soufis mutasawwif, mais ce mot sert plutôt à désigner le talib, novice, ou muride, élève, qui s'efforce de devenir soufi. On donne plus ordinairement au talib le nom de salik, marcheur dans la voie spirituelle. Par suite, ce mot se prend simplement pour « homme ». Saint Thomas a employé dans le même sens l'expression de Viator, dans la prose Lauda, Sion, lorsqu'il a dit, Voici le pain des anges qui est devenu la nourriture des hommes. On nomme Abudiya, esclavage, le service de Dieu, et Abd, esclave, celui qui s'y consacre. Le contemplatif se nomme Arif, pluriel Urafa, celui qui connaît, et l'objet de sa contemplation Marifat, la connaissance de Dieu. Celui qui est parvenu à cette connaissance se nomme Pir, vieillard, ou Ali, pluriel Oliya, approché, mot qui, par suite, peut se rendre par saint. Celui qui enseigne aux autres cette connaissance se nomme quelquefois Khalifa, calife. Jazb, c'est l'attraction divine si bien développée dans une homélie de saint Augustin. L'état extatique qui est le résultat de la contemplation se nomme Al, situation, et les pauses qu'on y fait, Makam, station. L'union avec Dieu se nomme Jem, ou Fouid, unification, la séparation, Fark, et la demeure avec Dieu, Sukunat. On nomme Jaïl, ignorant, le mondain, celui qui ne s'occupe pas des choses spirituelles, celui à qui elles sont étrangères. Les musulmans distinguent l'amour de Dieu, Ishkula, Dubat, affection, Mubat, amitié, Shouk, désir, Ishsiyak, ardeur, Wajd, extase. Telles sont les principales expressions employées par les spiritualistes musulmans. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais leur explication exigerait des développements que ne comporte pas le cadre de ce travail. Les principes de la secte philosophique des soufis ont été exposés dans de nombreux traités didactiques, mais ce sont surtout des ouvrages poétiques qui les ont rendus populaires. Les plus célèbres de ces ouvrages sont dus à des poètes de la Perse, et leurs poésies mystiques sont, il me semble, ce qu'offre de plus original la littérature persane, cette belle littérature trop peu connue encore, et si injustement jugée par Zamakhshari dans un vers qu'on regrette de trouver pour épigraphe d'un ouvrage classique, chrestomathie arabe. Il y a la même différence entre les Arabes et les Persans qu'entre la date et le noyau. Le poème que j'entreprends d'analyser offre, dans un cadre allégorique et sous des expressions métaphoriques, sinon un traité complet, du moins un tableau exact de la véritable doctrine des soufis, et présente sous son jour réel leur philosophie religieuse. Son titre de langage des oiseaux, Manticutair, est emprunté au Coran, Sourate 27, 16, où on lit, Salomon succéda à David, et il dit, ô homme, je connais le langage des oiseaux. Ce poème, un des monuments les plus curieux de la doctrine dont il s'agit, se compose d'environ 4650 vers du genre d'Imasnaoui et du maître appelé Ranl. Le poète qui en est l'auteur se nommait Muhammad ben Ibrahim, il avait le surnom de Nishapuri, c'est-à-dire de la ville de Nishapur, le titre honorifique de Fariduddin, la perle de la religion, et le sobriquet d'Attar, parfumeur. Il naquit en 1119 de Jésus-Christ, et mourut vers 1230, âgé de plus de 110 ans, massacré par les soldats moghols de Genghis Khan. Il exerça d'abord la profession de parfumeur, ainsi que l'indique son sobriquet. Un jour que notre poète était dans sa boutique, il passe un derviche qui s'arrête tout à coup, jette un regard sur les marchandises qui étaient étalées, puis pousse un profond soupir. Attar, étonné, le prie de continuer sa route. « Tu as raison, lui répond l'inconnu, Le voyage de l'éternité est facile pour moi. Je ne suis pas embarrassé dans ma marche, car je n'ai au monde que mon froc. Il n'en est malheureusement pas ainsi de toi, qui possèdes tant de précieuses marchandises. Songe donc à te préparer à ce voyage. Ce discours, disent les biographes originaux, fit une vive impression sur l'esprit d'Attar. Il abandonna son commerce et le monde pour se consacrer exclusivement au service de Dieu. Pendant plusieurs années, il se livra aux exercices de la mortification et à la pratique de la piété. Il fit ensuite le pèlerinage de la Mecque et fréquenta beaucoup de pieux personnages. Ce fut ainsi qu'il recueillit la grande quantité d'anecdotes dont il a enrichi ses ouvrages, et qui fournissent de précieuses données à la biographie musulmane. Dans sa vieillesse, il reçut à Nishapur la visite de Jalaluddin Rumi, auteur du célèbre Masnawi, et il lui donna son Asrarnama, livre des secrets. Ce fut, dit-on, la lecture de ce livre qui inspira à Rumi le goût du spiritualisme. Attar n'a écrit en prose qu'une vie des saints musulmans, intitulée Tazkira-ud-Awliya, Mémorial des Amis de Dieu. Ses autres ouvrages sont en vers, et forment un total de 100 000 vers, mais je n'en parlerai pas ici, et je traiterai seulement du Mantique Utahir, qu'il écrivit vers 1175, et qui jouit d'une immense réputation en Orient. Dans le tableau analytique que je vais en donner, je comparerai quelquefois le sacré au profane, non pas que je veuille l'assimiler en rien ni faire un mélange impie, mais parce qu'il est consolant pour le chrétien sincère de voir la vérité se réfléchir sur l'erreur et témoigner des anciennes traditions divines, étouffées par les doctrines humaines. À défaut du soleil de la révélation qui éclaire notre intelligence, nous trouvons ici, au milieu des ténèbres de la nuit musulmane, quelques vers luisants dont la lumière phosphorique nous rappelle l'éclat resplendissant de la vérité. Près d'un siècle après la publication du Mantique, il paraissait en Syrie un ouvrage arabe qui jouit aussi dans l'Orient musulman d'une grande réputation, et qui a quelques traits de ressemblance avec celui d'Attar. C'est celui de Mukaddesi, auquel j'ai donné le titre français de « Les oiseaux et les fleurs », et qui est lui-même une imitation d'un livre arabe plus ancien, intitulé « Ikazul Wasnan, le réveil du dormeur », lequel fut composé à peu près dans le même temps que le Mantique par Abul Faraj al-Juzi. Sous quelques rapports, l'auteur de ce dernier ouvrage a pu en emprunter l'idée au Tufai Ikhwan Usafa, cadeau des frères de la pureté, ouvrage célèbre qu'on a attribué à Attar et à Ibn ul-Jalil, mais auquel Haji Khalfa donne pour auteur Majriti, de Cordoue, mort en 1004. Les allégories morales de Mukaddesi parurent en Syrie vers l'époque où le roman de Larousse fut écrit en France. Ce dernier ouvrage, qui a joui d'une grande popularité dans le Moyen Âge, a quelque analogie avec les oiseaux et les fleurs, et surtout avec le Mantique. En effet, ce roman est généralement considéré, avec raison, comme mystique, et la rose mystérieuse proposée à la conquête de l'homme, c'est Dieu lui-même. L'objection qu'on a tirée des images licencieuses et des expressions libres qu'on y trouve pour rejeter l'idée d'un but religieux ne me paraît pas fondée, car tel était le mauvais goût du siècle. En Orient, on trouve plus que partout ailleurs ce mélange extraordinaire. On y trouve même la mention fréquente de l'amour antiphysique, elle s'allie les poésies mystiques de Saadi, de Hafiz et d'autres célèbres écrivains. Attar lui-même a cédé quelquefois à ce déplorable relâchement des mœurs chez les musulmans, Dans ses expressions et dans ses tableaux, on y trouve du reste, comme chez tous les poètes soufis, un étrange amalgame de l'amour spirituel et de l'amour charnel. Au surplus, ce singulier mélange n'est pas particulier à l'Orient musulman. L'éminent érudit Monsieur Leclerc a dit à ce sujet, « Les annales de cette poésie qui invoque sous le nom d'une femme la divinité elle-même, dont cette femme est le symbole ou idéal ou visible, s'ouvre pour l'Europe par un grand nom philosophique, celui de Platon. C'est Platon qui a dit que Dieu est la beauté unique d'où émane tout ce qui est beau dans le monde, le terme suprême où doit aspirer le cœur de l'homme qui s'y élève par degrés, en contemplant d'abord le beau sensible. L'amour des êtres créés est le symbole et le premier degré de l'amour de Dieu. Il existe en hindoustani un roman qui ressemble en quelque chose au roman de la rose, et qui porte le même titre, c'est la rose de Bacalwali. On trouve précisément dans cet ouvrage un passage où est exposé poétiquement, en peu de mots, la doctrine des soufis musulmans. Voici ce passage. Dieu existait seul au commencement des siècles, il était concentré en lui-même, le soleil de sa substance était resté caché derrière le voile du mystère. Il se complaisait dans son amour. Mais il éprouva le désir de se manifester au dehors, il voulut montrer sa beauté, faire connaître le vin de son amour et mettre en évidence le trésor caché de sa nature. À cet effet, il créa l'univers. Ce fut ainsi que l'unité de Dieu alla se réfléchir dans le miroir du néant. Note. Saint Paul a dit, Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous comprenons comment le monde a pu être formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui était invisible soit devenu visible. L'idée des soufis que le monde est le reflet de la divinité, l'ombre du soleil, se trouve exprimée de même dans Descartes, mystique du Moyen Âge, cité par Monsieur Sandoz dans la Revue Chrétienne, numéro d'août 1859. Le christianisme trop formaliste du Moyen Âge avait fait naître chez les âmes généreuses ces idées mystiques qui dégénèrent facilement en panthéisme. Jean de Parme, général des franciscains, auteur du livre célèbre intitulé L'Évangile éternel, et même l'auteur encore inconnu de l'Imitation proclame que se perdre en Dieu c'est le but auquel on doit tendre. Fin de la note. L'homme est la plus parfaite des créatures de Dieu, il est l'image et la ressemblance du Créateur. Il est le roi de la nature, parce que lui seul dans le monde se connaît lui-même, connaît ainsi le Créateur et possède l'intelligence de la révélation. On peut comparer Dieu au soleil qui se réfléchit dans l'eau. Or, le reflet de la lumière n'est que la lumière elle-même. C'est ainsi que des hommes religieux, enivrés de la coupe de la communion divine, se sont écriés « Je suis Dieu ». En effet, l'homme participe aux attributs divins, que dis-je sa substance est celle de Dieu même. La seule différence, c'est qu'il n'est qu'un être casuel, tandis que Dieu seul est l'être nécessaire. Confère, psaume 101, 27, 28, Coran, 4, 5. Je vais résumer actuellement la doctrine des soufis en un petit nombre d'articles qui seront occasionnellement développés plus loin. Voici ce symbole du panthéisme islamique. Premièrement, Dieu seul existe, il est dans tout et tout à lui-même. Alexander Pope s'exprime d'une manière analogue. Tous ne sont que les parties d'un tout stupéfiant, dont la nature est le corps, et Dieu l'âme. Il se réchauffe dans le soleil, se rafraîchit dans la brise, brille dans les étoiles et s'épanouit dans les roseaux. Lucain a dit aussi, Jupiter est tout ce que tu vois, tout ce que tu sens en toi-même. Pharsale, 9, 580. Deuxièmement, tous les êtres visibles et invisibles en sont une émanation et n'en sont réellement pas distincts. La création est une sorte de jeu ou de passe-temps de la divinité. Proverbe 8, 31. Note. Le système d'émanation semble fondé sur ce texte du Coran. 1, 151. Nous sommes de Dieu et nous retournons à lui. L'homme est le reflet du Créateur, comme il a été dit plus haut. Attar dit dans le Mantique, que Dieu est le soleil et lui l'ombre. Feuerbach, élève de Hegel, a soutenu l'impie, thèse inverse. Dieu, a-t-il dit, c'est l'homme reproduit dans un merveilleux mirage. C'est le reflet de l'ombre grandiose du genre humain, c'est l'image de Narcisse dans la fontaine. Fin de la note. Troisièmement, les soufis ne sont pas assujettis à la loi extérieure. Le paradis et l'enfer, tous les dogmes enfin des religions positives, ne sont pour le soufi que des allégories dont seul il connaît l'esprit. Quatrièmement, ainsi les religions sont indifférentes, elles servent cependant de moyens pour arriver à la réalité, quelques-unes sont plus avantageuses que les autres pour atteindre ce but, entre autres la religion musulmane, dont la doctrine des soufis est la philosophie. Note. Voici la traduction d'un vers du célèbre Sofi Jalaluddin Rumi qu'on cite à ce sujet. En quelque lieu que nous mettions le pied, nous sommes toujours, Seigneur, dans ton domaine. Dans quelque coin que nous nous retranchions, nous sommes toujours chez toi. Peut-être, disions-nous, il y a quelque chemin qui mène ailleurs, mais quelque chemin que nous ayons pris, il nous a toujours conduit vers toi. C'est dans un autre sens que David a dit à peu près la même chose dans le psaume 118, 8 et suivant. Cinquièmement, il n'existe réellement pas de différence entre le lien et le mal, puisque tout se réduit à l'unité, et qu'ainsi Dieu est en réalité l'auteur des actions de l'homme. Sixièmement, c'est Dieu qui détermine la volonté de l'homme, et, ainsi, ce dernier n'est pas libre dans ses actions. Septièmement, l'âme est préexistante au corps et y est renfermée comme dans une cage ou dans une prison. L'âme, d'après un dicton populaire, est un prisonnier, qui en s'échappant tue son geôlier. La mort doit donc être l'objet des vœux du soufi, car c'est alors qu'il rentre dans le sein de la divinité dont il émane, et qu'il obtient ce que les bouddhistes nomment le nirvana, c'est-à-dire l'anéantissement en Dieu. Huitièmement, c'est par la métempsychose que les âmes qui n'ont pas rempli leur destination ici-bas sont purifiées et deviennent dignes d'être réunies à Dieu. Neuvièmement, la principale occupation du soufi doit être de méditer sur l'unité et de s'avancer progressivement par les divers degrés de la perfection spirituelle, afin de mourir en Dieu, et d'atteindre dès ce monde à l'unification avec Dieu. Confère, Pythagore, vers doré. Un poète musulman de l'Inde a dit, pour celui qui est mort, en Dieu, le nom même de l'existence est une sorte de déshonneur. Dixièmement, sans la grâce de Dieu, ce que les soufis nomment fez, on ne peut de soi-même parvenir à cette union spirituelle, mais les soufis admettent la grâce suffisante, car ils disent que Dieu ne refuse pas son secours à celui qui l'attire par ses fervents désirs. Les funestes doctrines dont je viens de donner le symbole n'ont pas été, on le sait, sans partisans dans l'Europe chrétienne. Nous avons entre autres nos soufis dans les Adamites, hérétique des premiers siècles de l'Église, qui enseignait que l'âme humaine était une émanation de la divinité emprisonnée dans les organes corporels, qu'il fallait donc chercher à l'en affranchir, que tous les actes du corps étaient indifférents en eux-mêmes et ne portaient aucune atteinte à l'âme. Sans aller aussi loin, plusieurs chrétiens célèbres ont émis des opinions tout à fait panthéistes. Ainsi, dans le 7e siècle, Maxime le Confesseur, sans s'écarter ouvertement des dogmes de l'Église, supposait Dieu en tout et considérait son essence comme la vie de tous les êtres. Ainsi encore, Cabasilas voulait dégager l'âme de tout le poids dont la nature enveloppe nos facultés, pour arriver à la fusion absolue avec l'ineffable, préparée par la contemplation. Pour tous ces mystiques, l'unification avec le premier principe et l'absorption complète de l'être sont le dernier terme de l'épuration de l'âme. L'Église latine a aussi son panthéisme spiritualiste comme l'Église d'Orient, mais il y a entre les deux églises une différence que le savant helléniste a signalée dans le journal des savants. Au surplus, il ne faut pas toujours prendre à la lettre les expressions impies des écrivains mystiques de l'Orient musulman. Attar, par exemple, dans l'épilogue du Mantique, dit qu'il n'est ni musulman ni infidèle, et, quelques lignes plus bas, il demande à Dieu de le conserver dans l'islamisme. Le panthéisme des écrivains musulmans est quelquefois plus apparent que réel. On doit les juger par l'ensemble de leurs idées et non par des phrases isolées. Quoi qu'il en soit, malgré leurs théories insensées, les soufis suivent souvent avec fidélité dans la pratique les devoirs extérieurs de la religion.